professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur, n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le taureau est-il l'animal attribut du dieu lune Nanacine et quel était le rapport de ce dieu avec la justice ? Quelle est l'importance du temple de Nana dans la vie économique et juridique de la ville d'Ur en Mésopotamie s'interroge aujourd'hui l'assyriologue Dominique Charpin. Que dit l'archéologie du Ganounmar, bâtiment lié à la vie économique du sanctuaire du dieu lune, le dieu Nana? Et que pouvons-nous connaître de l'énigmatique bâtiment, le double amarre? Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, nous entraîne en Irak, entre archéologie, épigraphie et histoire, à la redécouverte de la ville d'Ur, à l'époque paléo-babylonienne, entre 2004 et 1595 avant Jésus-Christ. Dans le cours précédent, l'assyriologue nous a introduit au sanctuaire voué au dieu Nana. Cette divinité principale d'Ur était le dieu lune, nommé Nana en sumérien et Sin en acadien. Dominique Charpin avait indiqué, je le cite, que ni la Babylonie ni la Syrie n'ont eu leur Pausanias. Nous ne possédons aucune description vivante et tant soit peu complète d'un sanctuaire mésopotamien à quelque époque que ce soit. Il est pourtant possible de préciser l'image des temples en essayant de mettre en relation les diverses données textuelles dont on dispose avec les vestiges architecturaux dégagés lors des fouilles. Aujourd'hui, le chercheur enseignant s'interroge. Comment doit-on considérer le Ganounmar, ce bâtiment lié au sanctuaire de Nana? Pour nous, note-t-il, c'est clairement un bâtiment de nature profane, mais pas pour les Mésopotamiens. Le cours précédent nous a introduit à la cuisine du sanctuaire de Nana, entre aspects pratiques et rituels. La syriologue fait remarquer aujourd'hui, et je le cite, « On retrouve ici plus ou moins la même problématique que pour la cuisine. » S'occuper des denrées destinées aux offrandes des dieux, c'est déjà un travail qui relève du sacré. En dernière partie de cours, Dominique Charpin interroge un autre bâtiment, le double amarre, qui jouait un rôle particulier en matière de justice. C'est là notamment que les parties d'un procès étaient amenées à prêter serment, rappelle-t-il. La vie du sanctuaire de Nana est foisonnante et parfois les archives qui nous éclairent sur son très lointain passé sont des tablettes comptables qui ont fini comme remblées d'un autre bâtiment et que les archéologues ont fait ressurgir. Magie et richesse de la recherche. Alors que nous apprennent les inscriptions commémoratives et les archives abordant redevances, troupeaux, greniers sur la vie du Ganounmar, comment se côtoient objets précieux et denrées destinées aux offrandes dans ce lieu? Pourquoi ce bâtiment a-t-il deux noms et comment pourrait intervenir un contresens vieux de 2500 ans? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 23 mai 2018 pour le cours de Dominique Charpin intitulé « La ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne », aujourd'hui « La place du sanctuaire de Nana dans la vie économique et juridique d'Ur ». Le cours d'aujourd'hui est consacré à la place du sanctuaire du dieu Nana dans la vie économique et juridique d'Ur. Nous avons vu que le sanctuaire de Nana était avant tout constitué des endroits où se trouvait la statue du dieu et où la divinité recevait quotidiennement ses soins et son alimentation, mais tout ceci supposait aussi l'existence d'autres bâtiments pour que ces services puissent lui être rendus et pour que le dieu puisse jouer le rôle qui lui était propre au sein du panthéon mésopotamien, caractérisé par une répartition fonctionnelle qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier. Alors, de façon très pragmatique, j'ai distingué pour le cours d'aujourd'hui ce qui relève de la vie économique, d'une part, des aspects juridiques, d'autre part. La vie économique du temple de Nana a été étudiée de manière très détaillée par Kilian Boots, dans une thèse qui a été écrite à l'université de Vienne en 1973 et qu'il a résumée dans un gros article paru la même année, qu'il a prolongé par diverses études par la suite, et en particulier un article consacré aux redevances en poissons et en oiseaux. Ces travaux se recommandent par son attention aux réalités agricoles. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, je dois dire, en le lisant, mais il pêche un tout petit peu par une attention insuffisante portée à l'étude archivistique des documents. Il faut tout de même rappeler que sa thèse a été écrite avant que les données concernant la provenance des textes ne soit disponible, puisque le volume 7 de la série Ur Excavations, où le catalogue est donné, n'a été publié qu'en 1976, donc avant l'article de 1973. Une fois ces indications bibliographiques données, je dois ajouter que je ne prétends pas aujourd'hui vous offrir une vue complète de la vie économique du sanctuaire, mais je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre d'aspects spécifiques et que le hasard des découvertes nous documente particulièrement bien. Donc on va se concentrer surtout sur deux bâtiments et sur les activités dont ils témoignent. D'une part, un trésor qui s'appelle le Ganunmar et d'autre part un grenier. Donc le sumérogramme correspondant est celui de Gourset et le mot akkadien est celui de Karoum. Nous y reviendrons. Le principal bâtiment lié à la vie économique du sanctuaire de Nana était le Ganunmar. Il est connu à la fois par l'archéologie et aussi par un grand nombre de sources écrites, des inscriptions commémoratives nom d'année et inscription royale d'une part, mais aussi des documents d'archives. Que dit l'archéologie du Ganunmar? Eh bien, il s'agit d'un bâtiment qui est situé à l'est, dans la partie est du Téménos, dans l'angle entre la cour de Nana et la terrasse de la Ziggourate. Ce bâtiment est parfois décrit par Woolley avec les initiales TTB qui correspondent à Trial Trench B, c'est-à-dire donc le sondage B, un sondage que Woolley fit lors de sa première campagne qui faisait 4 mètres de large et 60 mètres de long et qui traversait l'ensemble de la zone sacrée. Woolley ne savait pas exactement ce qu'il allait trouver, donc il avait utilisé cette technique qui avait été employée en particulier de façon très systématique par les Allemands dans leur exploration du site d'Achour. Mais lorsque ce sondage a rencontré ce grand bâtiment, eh bien Woolley a décidé d'élargir sa fouille et il a dégagé la totalité du bâtiment, donc dans sa première campagne en 1922-23. Lui-même et surtout son équipe n'étaient pas encore très expérimentés et donc Woolley a décidé de s'arrêter au premier niveau qu'il rencontrait sans aller davantage en profondeur. Et il a repris la fouille quelques années plus tard, en 1926-27, cette fois en allant voir ce qui se passait sous les niveaux les plus récents. Alors, le résultat de cette fouille en deux temps, c'est que, malheureusement, Woolley a changé son système de numérotation des pièces entre sa première et sa deuxième exploration, et que malheureusement, il n'a jamais indiqué, et on n'a jamais retrouvé dans ses notes, la table de correspondance entre les anciens numéros et les nouveaux numéros. Et ceci, évidemment, fait de cause de gros problèmes, puisqu'on a des plans qui ont été publiés avec des numéros et on a des listes d'objets qui correspondent à une autre numérotation des pièces, de sorte que pendant très longtemps, on n'a pas su exactement quelle était la provenance à l'intérieur du bâtiment de tout ce qui a été retrouvé, et les trouvailles ont été très riches. Heureusement, un jeune collègue allemand qui s'appelle Aaron Schmidt a présenté à Munich en novembre 2016 une communication qui était en partie consacrée à ce problème. Et par chance, j'étais présent à ce colloque. Et cette étude est actuellement sous presse et il a fort heureusement réussi à régler le problème, notamment en utilisant les données qui sont présentes sur le site Uronline, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à quel point il était utile pour rentrer dans les archives de la mission qui ont été numérisées. Et il m'a très gentiment envoyé son manuscrit, de sorte que je serai amené à y faire allusion ça et là. Le Ganulmar se présentait donc comme un bâtiment de forme carrée de 57 mètres de côté, donc quelque chose de considérable, et entouré par un mur très épais, puisqu'il faisait 2,70 m de large. Donc on voit quelque chose qui est manifestement une construction très, très solide, et on va voir pourquoi. Woolley n'a pas retrouvé dans les parties qu'il a fouillées de porte, mais on constate que la partie nord-ouest du bâtiment a été détruite par les reconstructions postérieures, et c'est donc là, vraisemblablement, que se trouvait l'entrée du bâtiment. C'est en tout cas là que Woolley l'a restitué. La caractéristique du plan du bâtiment, en particulier dans la partie inférieure, c'est la présence de pièces parallèles très allongées, avec une ouverture sur l'un des petits côtés, et ce type de pièce est tout à fait caractéristique des espaces de stockage dans l'architecture mésopotamienne. Donc on voit qu'une bonne partie du bâtiment était certainement consacrée à cela. Reste à expliquer le nom, ou plutôt les noms du bâtiment. Il se trouve en effet que dans ses publications, Woolley utilise le nom Enunmar. Pourquoi cela, au lieu de Ganunmar, qui est le nom dont j'ai parlé jusqu'à présent? Eh bien, pour une fois, ça n'est pas dû à un changement de lecture moderne des termes sumériens, alors que ça existe par ailleurs. Par exemple, ce que j'appelle Ekishnugal, avec tous les sumérologues d'aujourd'hui, à l'époque de Woolley, on l'appelait Ekishirgal, et si vous regardez les publications de Woolley, eh bien, vous verrez qu'il fait constamment allusion au sanctuaire de Nana sous ce nom. Ici, donc, c'est différent, et la raison en est très simple. Woolley a d'abord fouillé et étudié le bâtiment d'époque néo-babylonienne, qui avait été reconstruit par le célèbre Nabucodonosor II. Et quand Nabucodonosor II a rebâti le bâtiment, eh bien, en fonction des traces qu'il avait retrouvées, il a rebâti un temple. Et ce temple, comme il avait retrouvé des inscriptions anciennes, eh bien, ses scribes ont fait une erreur, et en lisant le nom du temple, au lieu de lire Gade Nunmar, le premier signe Gade ressemblant beaucoup au signe Ede, ils ont lu Ede Nunmar et ils ont compris le temple Ede du prince Nun Mar, grand, auguste, célèbre. Donc, une erreur de ses scribes dans l'interprétation des inscriptions plus anciennes découvertes dans le bâtiment, et du coup la construction d'un temple. Et il se trouve en effet que l'épithète de prince est très souvent donnée dans les textes au dieu Lune. Donc pour Nabucodonosor et les personnes qui l'entouraient, pas de problème, on construit une nouvelle chapelle pour le dieu Lune, Enunmar. Et par la suite, dans ses rapports de fouilles, Woolley a toujours utilisé ce terme. Mais quand vous regardez les inscriptions d'époque paléo-babylonienne, vous voyez que les scribes ont bel et bien utilisé le signe Gade et pas le signe Ede. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Et en réalité, le sens du nom du bâtiment est tout différent. C'est Ganun, qui est l'idéogramme qui veut dire entrepôt, plus grand, qui signifie mar. Donc, on a là un cas intéressant d'un contresens d'il y a 2600 ans qui a eu des conséquences dans la reconstruction du bâtiment. En ce qui me concerne, donc, je parlerai toujours de Ganunmar, puisque ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'époque paléo-babylonienne. Je pense que Andrew George a eu tort d'inclure Ganoumar dans son ouvrage consacré au nom des temples dans la Mésopotamie ancienne, parce que, en réalité, il s'agit non pas d'un nom propre, mais d'un nom commun. C'est le mot Ganoun, qui signifie entrepôt, plus l'adjectif Mar, qui indique qu'il est particulièrement grand, important, et donc ça n'est pas un nom cérémoniel, contrairement aux centaines de noms qui ont été compilés par Andrew George dans son très utile ouvrage, comme le nom du temple de Nana et Kishnougal, par exemple, ou le nom de la ziggourat Etemen-Nigour, dont nous avons parlé la fois dernière. Et ceci se voit puisqu'il existe également un autre Ganoumar qui se trouve dans la ville de Nippur et qui est connu par différents textes. Donc on voit que en réalité, les grands sanctuaires avaient des entrepôts, trésors, très régulièrement. Le Ganoumar se présente comme un bâtiment à deux visages. Et je vous donnerai d'emblée la solution pour que mes propos par la suite soient plus clairs. Le Ganoumar était un endroit où étaient stockés à la fois de l'argent et des objets précieux, et d'autre part, des denrées périssables qui étaient destinées aux offrandes alimentaires pour le dieu Nana et les autres divinités de son entourage. Et donc, je voudrais regarder plus à fond cette question en analysant d'abord les inscriptions commémoratives et ensuite les documents d'archives. Curieusement, nous n'avons pas d'inscriptions de l'époque de la troisième dynastie d'Ur ou du début de l'époque paléo-babylonienne qui mentionnent le Ganoumar, alors que, vous allez le voir dans un instant, les premières inscriptions d'époque paléo-babylonienne dont nous disposions parlent de restauration. Ça veut dire donc que ce bâtiment existait déjà avant. Alors, il faut quand même mentionner l'inscription du roi d'Ur Shushin, qui est relative à la construction d'un bâtiment auquel il donne le nom de Emuri Anabaak, qui est un nom cérémoniel repris par Andrew George dans son ouvrage, pour lequel il ne donne pas d'explication, et je serais bien embêté si vous me suppliez de vous donner le sens du nom de ce bâtiment. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'il s'agit d'une inscription sur une crapaudine qui servait donc à ouvrir une des portes du bâtiment, et cette crapaudine a été retrouvée en place. Donc, contrairement à d'autres crapaudines réutilisées, on a bien l'impression que tel était le nom du bâtiment à la fin du troisième millénaire, et ceci, évidemment, est un peu curieux. Donc, je laisse de côté cette énigme, et j'en viens tout de suite aux inscriptions paléo-babyloniennes dont nous disposons. La plus ancienne se trouve sur des cônes et des clous et ont été rédigées par le roi Nouradhad de Larsa, donc vers le milieu du XIXe siècle. Et ces cônes et ces clous ont été retrouvés à l'intérieur même du Ganoumar. L'inscription dit ceci: pour le dieu Nana, son seigneur, Nouradhad, homme fort, cultivateur d'Ur, roi de Larsa, a bâti le Ganoumar, la maison qui convient au beurre et au fromage, pour le dieu Nana et la déesse Ningal, à l'intérieur d'Ur. Je ne commente pas tout de suite ce texte, je passe directement à celui que l'on possède pour le fils de Nouradhad, Sin-Idinam, qui a été retrouvé sur des briques, et où on trouve ceci: Sin-Idinam, homme fort, pourvoyeur d'Ur, roi de Larsa, roi qui a restauré les rites d'Ur et Eridu, alors que dans le passé, aucun de ses prédécesseurs n'avait restauré le Ganoumar, sur l'ordre de Nana, mon seigneur, j'ai bâti pour lui l'Eshgalmar du trésor, avec lequel aucun peuple ne peut rivaliser pour la vie de mon père et pour ma propre vie. Il y a ici plusieurs choses intéressantes. D'abord, la formulation finale, qui renvoie manifestement à la période de co-régence entre Sin-Idinam et son père Nouradhad, dont nous avons d'autres traces. Par conséquent, on peut en conclure que les travaux dans le Ganoumar, commémorés ici par Sin-Idinam, sont en fait les mêmes que ceux qui ont été éventuellement entamés par son père un tout petit peu plus tôt, mais que ça fait partie du même programme. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il en va de même pour la restauration d'Eridu. Par ailleurs, il faut remarquer le curieux mélange que nous avons dans cette inscription entre du vocabulaire religieux et du vocabulaire économique. Eshgalmar, en effet, ça signifie le grand sanctuaire sublime. Donc là, il s'agit bien d'un nom cérémoniel de temple. Mais apparemment, c'est une façon de désigner le Ganunmar qui est restauré. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu étonnant, d'autant plus qu'on nous dit que ce grand sanctuaire sublime, c'est celui du trésor. Et le mot Nidga désigne en sumérien à la fois le bâtiment trésor et en même temps le contenu du bâtiment, les biens précieux qui s'y trouvent. Donc on a quelque chose qui est un peu curieux. On passe maintenant à Waratsin. Le nom de l'an 5 commémore la reconstruction du Ganunmar. Je vous rappelle qu'en sumérien, on ne peut pas distinguer clairement bâtir et rebâtir. Donc, année où le Ganunmar a été bâti pour Nana, mais il peut s'agir très bien d'une restauration. Et on possède parallèlement une inscription de Kudurmabuk, le père de Waratsin. Vous vous rappelez que Kudurmabuk s'est emparé du royaume de Larsa, mais n'a pas désiré exercer lui-même le pouvoir royal, et donc il a installé d'abord Waratsin, et ensuite, à la mort de Waratsin, son autre fils Rimsin sur le trône. Et qu'écrit Kudurmabuk sur des briques? Eh bien, ceci: pour Nana, son seigneur, Kudurmabuk, le père du pays amorite, fils de Simti-Shilhak, quand le dieu Nana eut exercé sa prière, bâtit pour lui le Ganunmar de Nana pour sa propre vie et pour la vie de son fils Waratsin, roi de Larsa. Donc là, on a une formule inverse de celle qu'on a vue tout à l'heure, où Sinidinam vouait le bâtiment pour la vie de son père Nuradad et sa propre vie. Ici, c'est le père qui voue le bâtiment pour sa vie et celle de son fils. Et on a retrouvé également dans le Ganunmar, mais également dans d'autres emplacements du Téménos, une inscription sur cône qui est beaucoup plus développée que celle que je vous ai montrée à l'instant, qui était sur des briques. Donc le support est plus petit, bien sûr. Et donc je ne donne ici que la partie concernant les activités de construction. Je bâtis le Ganunmar, bâtiment d'argent et d'or, le trésor du dieu Nana aux abondants biens précieux. Et là, il y a une sorte d'incise. Il avait été construit dans le passé et il était tombé en ruine pour ma propre vie et pour la vie de mon fils Waratsin, roi de Larsa, et je le restaurerai. Donc là, ici, vous avez l'indication qu'il s'agit d'une restauration. Si on fait un bilan, on voit que l'impression qu'on retire de ces textes est mixte. Nuradad nous parle de denrées telles que beurre et fromage. Sinidinam nous parle d'un trésor. Kudurmabuk nous parle d'or et d'argent. Comment comprendre la chose? Marc van de Mierop a cru qu'il y avait une évolution chronologique. Et il a écrit ceci: « La fonction du bâtiment changea, dans le courant du début du deuxième millénaire, d'un centre de comptabilité pour tous les aspects de la vie économique et d'un entrepôt pour les denrées utilisées pour les offrandes et l'alimentation du personnel du temple, à celle de trésor. » Autrement dit, pour lui, vous avez d'abord un centre de collecte des denrées et ensuite uniquement un endroit où les biens précieux étaient gardés. Cette vision ne me semble pas vraisemblable, tout simplement parce que, vous vous rappelez ce que nous avons vu à l'instant, Nuradad parle de beurre et de fromage, et son fils parle de biens précieux. Or, il s'agit de la même phase de reconstruction. Et Marc van de Mierop lui-même, à la page 59 de son livre, donc quelques pages plus loin, admet qu'il s'agit d'une seule et même opération, et donc il ne s'est pas rendu compte qu'il était en contradiction avec lui-même. Je pense donc plus prudent d'estimer que, selon les inscriptions, eh bien, les rois ont mis l'accent sur une facette ou une autre des activités qui se déroulaient dans le Ganunmar. Et nous allons essayer de voir si cette hypothèse tient la route ou pas avec le témoignage de ce qu'on a retrouvé à l'intérieur. Il faut signaler que sous certains sols, Woulet a découvert un grand nombre d'objets votifs, comme des masses d'armes, des vases, dont beaucoup sont inscrits avec des dédicaces qui vont depuis la période d'Agadé jusqu'à l'époque de Rimsin. Et donc il y a tout lieu de croire qu'on a affaire à des objets qui étaient dès l'origine stockés dans le bâtiment. ou bien à des objets qui se trouvaient ailleurs dans le sanctuaire et qu'à un moment donné, on a ramené dans ce bâtiment. Alors il y a deux versions différentes. Wouleb estimait que tous ces objets ont été enterrés en 1739 au moment de l'abandon de la ville sous le règne de Samsou Iluna. Et il a été suivi par Marc van de Mierop. Aaron Schmidt, dans cette étude encore inédite à laquelle j'ai fait allusion en commençant, pense plus vraisemblable que l'enterrement de tous ces objets s'est produit au moment où le roi Kassite Kurigalzu a rénové le bâtiment au XIVe siècle. Et donc, on a enfoui toute une série d'objets anciens qui n'avaient plus beaucoup d'intérêt. Le parallèle avec ce que les fouilles d'autres sanctuaires ont révélé, je pense notamment à les Babars de Larsa, me fait pencher pour la deuxième explication. Mais quoi qu'il en soit, il faut remarquer que n'ont survécu que les objets en pierre, difficilement réutilisables, et qu'ils ne doivent pas être tenus pour représentatifs de la totalité des objets votifs conservés dans le bâtiment. Et nous allons voir que les textes nous confirment dans cette façon de penser. On a aussi des documents d'archives, mais là, il faut tout de suite signaler une difficulté. En effet, beaucoup d'auteurs, dès qu'ils ont vu un texte qui mentionne le Ganunmar, ont considéré que la tablette où se trouvait cette mention provenait du bâtiment. Les choses sont en réalité plus compliquées. On a trois cas de figure. D'abord, on a les documents qui ont été retrouvés dans le Ganunmar lors des fouilles, et Marc van de Mierop en a fait la liste. Une liste plus complète est donnée par Aaron Schmidt dans sa contribution sous presse. Ce qui est clair, c'est que tous ces documents sont antérieurs au règne de Sidi-Nam et qu'ils ont été retrouvés, mis au rebut, sous le sol de certaines pièces. Donc on peut penser que c'est au moment où Nourhaddad et Sidi-Nam ont rénové le bâtiment que ces pièces comptables périmées ont été utilisées comme remblais pour rehausser le sol. Ça, c'est quelque chose pour lequel on a énormément de parallèles dans les façons de faire des anciens Mésopotamiens. Deuxièmement, on a des documents qui ont été retrouvés ailleurs, et notamment dans deux maisons du quartier AH, sur lequel on reviendra plus tard, au numéro 1 Broad Street, qui est la pseudo-école, et au numéro 2 Church Lane. Alors, pour ces deux maisons, il s'agit de textes relatifs à la comptabilité de troupeaux de bovidés, notamment, et à leur production de beurre et de fromage. Et ce sont des textes qui couvrent la période qui va de l'an 5 de Sini Kisham à l'an 12 de Rimsin. Et la figure qui domine ce lot, c'est celle d'un chef berger, enfin, il faut comprendre, d'un responsable de troupeau, hein, c'est pas lui qui conduisait les animaux à la pâture. Ce personnage, donc, s'appelait Agua. Et l'autre maison, au numéro 2, Church Lane, il y a un peu moins de documents, mais c'est la même chose, il s'agit d'un Outulum, un responsable de troupeau, mais qui, lui, s'appelle Apilkitim. Et puis, on a des documents qui sont issus de fouilles clandestines, donc, par définition, dont la provenance archéologique est inconnue, et il s'agit surtout du lot YOS5, numéro 1 à 110, qui a été publié par Grice en 1915. Et là, donc, on ne sait pas si ces documents ont bel et bien été retrouvés dans le bâtiment Ganunmar ou pas. Alors, il se pose un problème qui est celui de la répartition chronologique des documents d'archives. Vous avez vu que les documents trouvés dans le Ganunmar lui-même sont les plus anciens et que ceux qu'on a retrouvés dans des maisons privées sont plus récents. Et pour Marc van de Mierop, eh bien, ceci a un sens. Il a écrit « Les autres fonctions du Ganunmar, autres que conserver les objets précieux, semblent désormais administrées dans des maisons privées. » Donc il part de la période récente. « Les archives du numéro 1 Broad Street et du numéro 2 Church Lane, par exemple, documentent la livraison de produits laitiers précédemment collectés par le Ganunmar pour la fourniture d'offrandes, d'où sa vision d'une sorte de privatisation d'une partie de l'économie du temple à laquelle, j'avoue, ne pas croire. » Pourquoi cela? Tout simplement parce que les tablettes du numéro 1, Broad Street, c'est parfaitement clair, sont des documents eux aussi mis au rebut et dont l'origine est inconnue. Et donc, il me semble que nous sommes ici victimes du hasard de la préservation des sources et qu'il faut surtout éviter de surinterpréter cette distribution chronologique comme l'a fait Marc Van Mieren. Le Collège de France et France Culture vous présentent l'assyriologue Dominique Charpin, la ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne, aujourd'hui la place du sanctuaire de Nana dans la vie économique et juridique d'Ur. Alors, quelles sont ces activités économiques? Eh bien, d'abord, il nous faut parler des gens qui étaient responsables. Beaucoup de documents retrouvés dans le Ganunmar ou ayant trait au Ganunmar ont été scellés par des personnages qualifiés d'intendants. Chatamou, quelque chose qui a été étudié par Maureen Gallery il y a déjà pas mal de temps, dans un article de 1980, mais qui reste tout à fait valable, qui serait maintenant à compléter. Le terme de Chatamou, il faut faire très attention, ça indique une fonction, mais ça n'est pas un titre. Et on trouve, par exemple, sur des tablettes dont on nous dit qu'elles sont scellées par les Chatamou, le sceau de personnages qui ont des titres, comme en particulier l'économe Chandabakoum, c'est-à-dire le responsable économique du temple. On pourrait parler d'économe. Il faut savoir que le terme de Chandabakoum s'emploie pour des temples et pas seulement pour les palais. Alors il y a des Chandabakoum qui sont très bien connus, en particulier ceux du palais de Mari, qui sont de véritables ministres de l'économie du royaume de Mari, puisque ces personnages étaient responsables de l'ensemble des domaines royaux dans toute l'étendue du royaume de Mari. Mais pour les temples, eh bien, les Chandabakoum étaient responsables de tous les biens du temple, des terres, mais aussi des troupeaux. Et le Chandabakoum le mieux connu, c'est quelqu'un qui s'appelait Ur-Nana et qui était en poste sous les règnes de Warad-Sin et au début du règne de Rim-Sin. Et j'ai rassemblé les données concernant dans mon livre sur le clergé d'Ur. Donc ce sont ces gens-là qui scellaient en particulier un certain nombre de documents. Qu'est-ce qu'on voit grâce aux archives du Ganunmar? On voit que c'était un endroit donc où était stocké l'argent et des objets précieux. La caisse du Ganunmar servait en effet à conserver l'argent qui provenait par exemple de certaines ventes. On voit le temple de Nana vendre des parcelles de terre. On a que deux textes à cet égard, mais c'est très suffisant. Les deux textes sont parallèles et ils nous montrent comment l'argent de la vente, eh bien, est versé dans la caisse Gipissan du Ganunmar. On a aussi un document où on voit des marchands vendre de la laine qui leur a été confiée par le palais. Et là encore, c'est la caisse du Ganunmar qui récupère les sommes d'argent importantes venant de cette vente. Et puis, on voit aussi que étaient stockés dans le Ganunmar les dîmes et autres prélèvements qui bénéficiaient donc au temple de Nana. Beaucoup d'objets précieux étaient offerts, en effet, au principal dieu d'Ur, à titre d'offrande, je dirais plus ou moins volontaire. Il y a un débat sur ce point. Et le phénomène en lui-même a été étudié par Marc Van de Mierop et les objets ont été récemment étudiés par Michel Maggio dans un livre qui n'est pas limité à Ur, mais dans lequel on y trouve beaucoup d'informations. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner la liste de tous ces objets. Et comme je vous l'ai indiqué, malheureusement, je ne pourrai pas illustrer une liste de ce genre, puisque ces objets, qui sont décrits dans les textes comme étant plaqués or, en bois précieux, vous avez des instruments de musique, vous avez des peignes, vous avez des objets avec des perles qui viennent du Golfe. Enfin, il y a une liste très, très importante d'objets précieux de ce genre. Tout ça est donc était manifestement conservé dans le Ganoumar et offert à la divinité par des marchands, par exemple, qui on y reviendra quand il sera question du commerce, qui ont fait du commerce maritime avec la région de l'Indus, et quand ils revenaient, eh bien, ils offraient aux dieux une partie des biens de leur cargaison. Je passe à des aspects plus prosaïques, la question des troupeaux et des produits laitiers, parce que pour ce dossier, nous avons la chance de pouvoir comparer les informations de type économique et puis aussi l'approche idéologique, je dirais, qu'autorisent les textes littéraires. Ceux d'entre vous qui avaient écouté mon cours en 2014 retrouveront certains éléments, mais je vais développer d'autres aspects aujourd'hui. Une grande partie de la comptabilité du Ganoumar avait donc trait aux troupeaux de bovins. J'ai déjà indiqué que la plupart des pièces avaient été publiées dans YOS5 et étudiées par Killian Boots. Et le contexte écologique permet de comprendre qu'il s'agit sans doute avant tout de buffles qui vivaient dans les marais selon des modalités qui existent encore de nos jours. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je me contenterai de vous donner un exemple de texte simple où vous avez simplement l'indication. Une vache adulte, une vache de 1 an, don à Roua, en sumérien, d'un certain Manoum, reçu par Arimaya, et vous avez la date. Et puis, on a des grandes tablettes beaucoup plus complexes, jusqu'à 6 colonnes par... Enfin, 3 colonnes sur chaque face, dans lesquelles vous avez des détails très très précis du nombre de bêtes, du nom des responsables, pendant une période donnée. En dehors de cet aspect économique, il y a un aspect religieux, parce que, en Mésopotamie, l'animal attribut du dieu Lune, c'était le taureau. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le croissant de lune était vu par les Mésopotamiens comme les cornes d'un taureau, et on comprend facilement pourquoi, lorsqu'on compare donc un croissant de lune avec les cornes de bovidés qui décorent des lyres qui ont été retrouvées dans les tombes royales, par exemple. Donc, qui remonte au troisième millénaire. Voulet était suffisamment heureux d'avoir réussi à récupérer la forme de ses lyres en injectant du plâtre liquide dans l'espace laissé par le bois en décomposition, la partie en métal sous forme d'une tête de bovidé ayant été conservée. Donc ça fait partie de ces objets qu'on peut trouver au British Museum, au musée de Philadelphie ou au musée de Bagdad. Et par ailleurs, on a des textes littéraires qui insistent sur cette fonction du dieu Lune, par exemple une incantation pour aider à la délivrance d'une femme qui accouche et qui s'ouvre par un mythe étiologique montrant comment le dieu Lune, tout à la fois, féconda une vache en tant que taureau et aida à la délivrance de la vache en tant que berger. Et ce patronage du dieu Nanasin s'étendait à l'ensemble des bovins, et dans cette perspective, le nom du temple de Sin dans une autre ville qui s'appelle Urums est tout à fait significatif, puisqu'il s'appelle Eabloua, c'est-à-dire le temple des vaches innombrables. Je vous rappelle aussi ce témoignage iconographique plus ancien, d'époque présargonique, la fameuse frise d'Obeid qui a été découverte par Hall en 1919, avec une publication dans un ouvrage co-signé par Hall et par Woolley, qui a également travaillé sur le site, où se trouvent à la fois des photographies de ces frises telles qu'elles ont été découvertes, et ensuite avec les 2 phases de restauration que ces frises ont subies. Hall et Woolley croyaient que ces panneaux décoraient les murs du temple, mais Philippe Gouin, qui en a repris l'étude, a suggéré qu'il s'agissait plutôt de la décoration du ventail de la porte du temple sur le modèle de ce qui est connu sous forme métallique, cette fois, beaucoup plus tard, par les portes du temple de Balawat en Assyrie. Alors, on voit sur ces frises des bovins passants, on voit la traite des bovins à la pâture, et avec les veaux qui sont attachés à leur mère par un licou qui forme muselière de façon à les empêcher de téter. Et puis on voit également la préparation des laitages avec des vases qui sont représentés de manière suffisamment précise pour que les archéologues aient pu rapprocher ces formes de la céramique attestée par les fouilles de la même époque, et les trois étapes du barattage, du filtrage et finalement du stockage du beurre ainsi obtenu. Alors, Philippe Gouin avait remarqué que tous les personnages des scènes laitières sont des hommes, ajoutant « aucune femme n'y participe, alors que de nos jours, la préparation des laitages est en Orient une activité presque exclusivement féminine. La pensée profonde des Sumériens mériterait peut-être, à travers leurs écrits, d'être interrogée à ce sujet, c'est ce que nous sommes en train de faire ». Et il ajoutait, selon Ole Woulet et d'autres auteurs, ces hommes seraient des prêtres, et nous aurions là une représentation de la ferme sacrée et des troupeaux de la déesse Ninhursag. Et pour Philippe Gouin, ça n'est pas vraiment le problème, puisque lui s'intéressait aux aspects proprement techniques. Alors c'est vrai que ce temple a été identifié comme voué à la déesse Ninhursag, mais il y a des liens très clairs avec le temple de Nana de la ville d'Ur, qui est toute proche, et ceci se voit en particulier grâce à des têtes de bovins qui ont été retrouvées dans le temple même, et sur le front de ces bovins, eh bien, on voit le croissant de lune, symbole du dieu Nana, donc il est clair qu'on a une symbiose très très étroite. Et que le temple de Nana ait pu être considéré comme une sorte de laiterie de taille industrielle, c'est ce que montrent certains hymnes, comme celui-ci, dont je ne cite qu'un extrait. « Quatre sont les enclos à bétail que Nana a établis pour lui. Ses vaches de différentes races sont 39 600. Ses génisses et ses veaux, 108 000. Ses jeunes taureaux, 126 000. » Je coupe. Et à la fin, vous avez une doxologie, que les pures vaches de Nana, chéries par le jeune Sin, soient louées, le lait crémeux de l'abondance, dans les enclos à bétail sacré, il, c'est-à-dire Nana, est toujours capable de l'accroître. Donc on voit que le temple de Nana à Ur n'était pas seulement propriétaire d'importants troupeaux de bovins, comme nous l'ont montré les documents comptables, dont j'ai parlé il y a un instant, mais les activités de laiterie qui étaient abritées par le temple étaient conçues comme intrinsèquement liées à la nature même du dieu. Nana lui-même n'était pas seulement compris comme le protecteur des bovins, il était en fait l'un d'eux. Et ceci ne se limite pas au dieu lune en personne, il y a en effet d'autres divinités proches de Nana, comme son fils Ningublaga, l'épouse de celui-ci, qui avait des liens étroits avec les troupeaux et la production de produits laitiers. Je n'insiste pas sur ce point et je me permets de vous renvoyer à mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens, où j'avais développé ce point. Il faut maintenant passer à d'autres activités économiques, comme la question des roseaux. On a retrouvé, en effet, beaucoup de textes concernant les roseaux qui ont été étudiés par Marc Vandomirop. Et vous savez que les roseaux servaient à de nombreux usages, la construction de bâtiments, la fabrication d'objets comme des nattes, des récipients, etc., mais aussi l'alimentation des animaux. Les bovins, aujourd'hui encore, sont nourris en partie avec les feuillages des roseaux. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les textes de comptabilité qui ont trait aux roseaux, on voit des gens qu'on retrouve dans d'autres lots d'archives en lien avec des pêcheurs. Donc on voit bien que tout ça, c'est la zone des marais. Et le centre d'activité de tous ces gens-là semble avoir été la ville de Kouara, dans les environs d'Eridou. Donc on voit bien qu'on a affaire à une des zones de marais proches d'Ur. Alors, avec les roseaux, il est clair que les roseaux n'étaient pas stockés dans le Ganounmar lui-même, mais on voit que les intendants Chatamou, rattachés à cette institution, contrôlaient les transactions et les activités. Et donc, si on tente un bilan de tout cela, eh bien, je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'interprétation du plan du bâtiment. Et Settler et Hafford, dans leur récente synthèse, à mon avis, n'étaient pas loin de la vérité lorsqu'ils ont écrit « Woolley a interprété les pièces centrales du bâtiment comme un sanctuaire, en bonne partie en raison du témoignage de la reconstruction par Nabucodonosor II, mais, disent-ils, les pièces ne ressemblent pas aux celles-là en largeur des temples du 3e et du 2e millénaire, et elles n'avaient pas d'installation fixe comme des podiums typiques des temples. Ces pièces servaient probablement de pièces de stockage, comme les pièces étroites et allongées qui les entouraient, et leur position isolée et sécurité au centre du bâtiment pourrait refléter le fait que des denrées rares ou des produits précieux y étaient conservés. Je pense qu'ils ont raison, mais il faut aller un tout petit peu plus loin. Le terme de denrées rares, à mon avis, n'est pas le bon. Il me semble qu'on a ici très clairement l'opposition entre les pièces du centre qui servaient pour les objets précieux et pour l'argent, donc la caisse du temple où on entassait les sacs d'argent devait s'y trouver, alors que dans la couronne de pièces tout autour, c'est là que les produits laitiers et autres étaient conservés pour les offrandes. Il y a toute une liste, les dates, etc. Non pas qu'il s'agisse des entrepôts définitifs, il n'y avait pas assez de place, mais de la même manière que dans le palais de Marie, c'était l'endroit où ce qui venait d'entrepôts plus importants était placé en attendant que les gens des cuisines viennent faire les préparatifs pour les offrandes. Donc un entrepôt intermédiaire en quelque sorte. Alors, pour conclure sur ce point, eh bien, comment doit-on considérer un bâtiment de ce genre ? Pour nous, clairement, c'est un bâtiment de nature profane, mais je pense que ça n'était pas le cas pour les Mésopotamiens, et on retrouve ici exactement le même dilemme que ce que nous avons rencontré à propos de la cuisine. S'occuper des denrées destinées aux offrandes des dieux, c'est déjà un travail qui relève du sacré. Alors, je passe rapidement au grenier Karoum, pour lequel on a beaucoup moins de données. Donc, les denrées qui étaient conservées dans le Ganunmar, c'était l'huile, le beurre, le fromage, les dattes, le miel et différents aromates. Mais il faut faire une différence très claire avec les céréales et le pain qui étaient livrés par le grenier de Nana, donc Karoum en acadien, ne pas confondre avec Karoum qui désigne le quai et les installations des marchands. Et donc il y a une spécialisation manifeste entre les deux bâtiments. Et on voit par exemple une vente d'une palmeraie dont le prix est versé cette fois non pas en argent comme on l'a vu précédemment, mais en nature. Eh bien, qui est-ce qui récupère cette somme importante, hein, 15 fois 300 litres de céréales, c'est précisément le grenier de Nana dans lequel ces céréales vont être versées. Ce grenier de Nana, il est connu en particulier par un lot d'une vingtaine de tablettes découvertes dans ce que Woolley appelait le mausoleum site, c'est-à-dire à l'extérieur du Téménos paléo-babylonien, un lot qui couvre 33 ans, de l'an 5 de Sinilinam à l'an 11 de Rimsin, des reçus de céréales livrées par le grenier, ou bien des livraisons de pain sous l'autorité d'un personnage qui porte le titre de Kaninda, donc le responsable du pain. Et on voit dans ces textes l'allusion à des offrandes régulières, à des divinités ou à des objets sacrés comme des trônes ou des statues. Alors, dans quel bâtiment ces tablettes ont-elles été découvertes ? Eh bien, Woolley a indiqué dans le mur du Téménos, sous-entendu néo-babylonien, sous le sol d'une pièce à l'intérieur du mur à l'extrémité nord de la fouille. Et l'éditeur du volume, Mitchell, dit qu'il doit s'agir de la zone au nord-est de la maison 30E, autrement dit, ce seraient ici les restes de quelques murs qui ont survécu de ce grenier Karoum. Et si on prend un plan d'ensemble, on voit qu'à ce moment-là, le Ganunmar était beaucoup plus proche du sanctuaire et le grenier Karoum aurait été à peu près dans cette zone. Et on comprend très bien que lorsque Nabucodonosor II a construit son grand mur d'enceinte, eh bien, les fondations du bâtiment ont fait disparaître pratiquement tout, à part quelques restes de murs et quelques tablettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existait parallèlement au grenier de Nana un grenier de Ningal, et c'est une dualité qui existait également pour le Ganunmar. On y reviendra la semaine prochaine. En ce qui concerne la vie juridique, il me faut rappeler cette répartition fonctionnelle du panthéon mésopotamien qui fait que la justice était le domaine particulier du dieu soleil Shamash, mais le fait que le dieu Nanasin avait lui aussi un rapport particulier avec la justice en tant que double nocturne du soleil, en quelque sorte. Alors on a un texte littéraire en akkadien dans lequel un individu qui est victime d'une injustice fait appel au dieu Nana. Je n'ai pas le temps d'insister sur ce point, et là encore, j'ai étudié ce texte avec vous en 2014, et vous pourrez en retrouver la trace dans mon ouvrage. Je voudrais simplement souligner que les serments que l'on trouve dans ce texte littéraire sont des serments qui sont en quelque sorte prêtés volontairement, mais dans bien des cas, il y avait des serments qui étaient passés dans un bâtiment consacré à cela, qui s'appelait les double amarres. Alors, j'en ai déjà parlé à propos de la terrasse de la ziggourate, et je vous ai dit que l'étymologie était sans doute celle de sorte de grande terrasse, mais que ce bâtiment a reçu une fonction plus particulière qui est montrée par les inscriptions royales. On a une inscription du roi d'Issine, Shu-Ilishu, qui nous dit très clairement que le roi a bâti pour le dieu Nana le double amarre, la place de son jugement, donc du jugement de Nana, et il ajoute qu'il y a installé une porte, la traduction n'est pas sûre, peut-être brillamment colorée, et il a dédié le bâtiment pour sa propre vie, l'inscription se terminant par une malédiction. On a une inscription plus ancienne qui est due au roi de la troisième dynastie d'Ur, Amarsin, qui est plus précise encore et qui a été retrouvée sur une des crapaudines du bâtiment, donc retrouvées in situ, qui commence par une dédicace au dieu Nana et qui indique que le bâtiment était en ruine. Et ensuite, on a ce passage, n'est-ce pas ? Le double amarre, temple merveille du pays, le lieu de son jugement, c'est-à-dire à nouveau du jugement de Nana, et on a cette précision, son filet auquel nul ennemi d'Amarsin ne peut échapper, eh bien, ce bâtiment, Amarsin, le bâtit pour le dieu Nana. Là encore, vous reconnaissez peut-être cette inscription dont j'ai déjà parlé. On voit donc que le bâtiment est comparé au filet qui s'abattra sur le parjure. Et puis, il faut compléter ce dossier, je ne l'avais pas fait en 2014, par une indication très intéressante qu'on trouve dans la Lamentation sur Sumer et Ur. L'auteur décrit la façon dont tout le fonctionnement du sanctuaire d'Ur a été bouleversé suite à la prise de l'Ekishnougal de Nana par un ennemi non nommé, mais on est manifestement au moment où les Élamites mirent fin à la troisième dynastie d'Ur, et le texte dit ceci: « Dans le double amarre, le lieu des serments, il n'y a plus de verdict. Le trône n'est plus installé à l'endroit du jugement, la justice n'est plus rendue. » Alors cette allusion au trône s'explique parce que on sait que les juges siégeaient pour rendre un jugement, et très souvent la sentence rendue par les juges, faute de preuves écrites ou testimoniales, consistait à soumettre l'une des parties à un serment. Eh bien, on voit qu'à Ur, ce serment était prêté dans le double amarre. C'est l'indication très claire de ces textes commémoratifs ou littéraires, et ceci est corroboré par les documents de la pratique. On trouve par exemple un procès dans lequel on voit qu'une affaire d'héritage compliquée se solde par un serment qui est prêté par un symbole divin, une hache, dans le double amarre, et le personnage qui doit prêter serment dit « Je jure que Ur-Ninghirsu n'a pas brisé la tablette scellée de mon père et ne l'a pas relié comme fils. » On a affaire à un héritage qui est la conséquence d'une adoption. Et donc, pour finir, la prébende qui était revendiquée ne doit pas l'être. Donc, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que le serment impliquant un symbole divin est prêté dans le double amarre. Et on trouve dans pas mal de documents le titre de certains prébendiers qui sont non seulement qualifiés de goudou 4, ce qui est un terme générique pour les prébendiers, mais on nous dit qu'ils sont rattachés au double amarre. Et c'était manifestement donc les prêtres qui étaient chargés d'organiser le rituel qui entourait chaque prestation de serment. Il faut ajouter rapidement que le double amarre d'Ur n'est pas quelque chose d'unique. On en a un en Babylonie du Nord, dans la ville de Damroum, mais on en a un aussi près de Nippur. Il est connu que par un texte du premier millénaire, mais ce texte mentionne un troisième Ekishnougal, en dehors de celui de Ur et de celui de Babylone, dans une localité proche de Nippur qui s'appelle Bitsuena, c'est-à-dire littéralement la maison ou le temple de Sin, donc un toponyme qui rattache la localité au dieu Lune. Eh bien, ce texte mentionne pour la même localité un double amarre. Conclusion, le double amarre est un nom commun, et donc à nouveau à ce titre, à mon avis, il n'aurait pas dû être inclus dans le livre de George sur les noms cérémoniels des sanctuaires, et par ailleurs, c'était la composante essentielle du temple de Nana dans les villes, dans toutes les villes où il existait un important sanctuaire voué au dieu Lune. Vous voyez que nos données sont loin d'être complètes, mais qu'elles permettent déjà d'avoir une bonne vision de l'importance du temple de Nana dans la vie économique et juridique de la ville d'Ur. On aura l'occasion de voir d'autres aspects de cette vie économique et juridique, bien entendu, lorsque nous étudierons les quartiers d'habitation, puisque on verra, par exemple, en ce qui concerne le commerce, la façon dont des échanges maritimes étaient organisés, et on reviendra sur les offrandes faites par les marchands à cette occasion-là. Et puis, nous allons, dès la semaine prochaine, prolonger notre étude avec un cas particulier tout à fait intéressant, qui est celui du temple de la déesse Ningal. Jusqu'à présent, en effet, nous avons surtout parlé du dieu Lune, mais nous avons aussi un sanctuaire particulier pour son épouse, et ceci va nous poser des problèmes très intéressants de parallèle entre ce qui se passait dans les sanctuaires et ce qui se passait dans les palais, avec les divinités d'un côté, avec le roi et la reine de l'autre. Et on verra aussi que ce temple de la déesse Ningal, il servait également de demeure à la grande prêtresse du dieu Nana, Lentum, sur laquelle on a la chance d'avoir des données très variées. Et c'est donc à cette enquête que je vous invite pour la semaine prochaine. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Dominique Charpin, sa série « La ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne ». Aujourd'hui, la place du sanctuaire de Nana dans la vie économique et juridique d'Ur. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin. Sa leçon inaugurale « Comment peut-on être assyriologue ?» est publiée chez Fayard. Aux éditions Les Belles Lettres avec le Collège de France, il a récemment publié « La vie méconnue des temples mésopotamiens » en 2017 et « Tuer mon sang, les alliances dans le Proche-Orient ancien » en 2019. Iconographie web Marion Barsac, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous retrouverons Dominique Charpin pour sa série de cours sur la ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne. Il sera question du temple de la déesse Ningal, épouse du dieu Lune, et de la grande prêtresse du dieu Nana, Lantum. Dans quelques instants, vous retrouverez les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.